Chapitre 19e, un drame. Vers 4 heures du matin, Anissa et Manon furent réveillées par des coups précipités frappés à la porte du côté. « Qui est là ?» demanda Anissa à travers la porte. « C'est moi, Angèle. Ouvrez-moi vite !» Anissa enleva les barres et reçut Angèle dans ses bras. « Jeanne n'est pas revenue. Je n'ai pas osé aller la chercher, mais je suis morte d'inquiétude. J'ai peur qu'il lui soit arrivé malheur en allant chez Béranger. Ah !» se lamenta-t-elle. « J'aurais dû l'accompagner. » Anissa et Manon n'étaient pas au courant de cette escapade chez Béranger. « Explique-nous, Angèle. Qu'allait faire Jeanne chez Béranger ?»« Vers 8 heures, Hyacinthe est venue nous dire que Béranger n'était pas encore revenu de chez lui. Jeanne avait promis de lui porter à manger s'il ne revenait pas. Et c'est ce qu'elle a fait, sans en parler à Hyacinthe. « Ah !» répéta-t-elle, « je n'aurais pas dû la laisser partir seule. »« Tu l'as dit à Hyacinthe ?»« Non, je suis venue tout de suite chez vous, c'est plus près. » « Oh, je t'en prie, Anissa, faites quelque chose, » implora-t-elle en regardant Manon. « Va t'habiller, » dit cette dernière. « Viens, Angèle, tu vas boire en remontant. Ne t'inquiète pas sans savoir. Elle est peut-être restée chez Béranger. Ils ont mangé ensemble et puis elle était un peu fatiguée, alors elle a dû s'endormir. Tu sais qu'elle a le sommeil facile. »« Non, non, » rétorqua Angèle. « Elle savait que j'allais me faire un sang d'encre. Et si elle n'est pas revenue, c'est qu'il y a une raison plus grave. » Jeanne n'est pas le genre de femme à coucher chez n'importe quel homme, et encore moins avec. S'offusqua-t-elle. Mais je ne t'ai pas dit qu'elle avait couché avec Béranger. Manon allait lui faire remarquer qu'elle était peut-être jalouse, mais n'osa le faire. Néanmoins, elle profita de cet échange pour glisser un mot sur le départ d'Angèle. Tu te fais un sang d'encre et tu veux la quitter? Je ne te comprends pas. Angèle ne répondit pas et baissa la tête comme une fille butée prise en faude. Je sais ce qui a dû se passer, intervint Anissa, déjà prêt à partir. Elle n'a pas dû pouvoir franchir la porte des Cordeliers. En pleine nuit, c'est rare qu'ils laissent passer les gens, surtout depuis les événements. « Mon Dieu !» gémit Angèle. « J'espère qu'ils n'ont pas... » Mais elle ne put continuer, pensant à son propre calvaire. Elle lâcha une larme et but une gorgée du marc que Manon lui avait versé. Anissa embrassa Angèle sur la joue et lui glissa. « T'en fagaisse pas, je vais te la ramener, ta Jeanne. » Il tira droit vers la porte des Cordeliers en descendant la rue du même nom. À cette heure, plus que matinale, les hommes de garde sommeillaient plus ou moins. L'un d'eux voulut pourtant bien répondre à ses questions. Anissa décrivit Jeanne et demanda si une telle femme ne s'était pas présentée à l'extérieur après la fermeture des portes. « À quelle heure ?» demanda l'homme. « Oh, je ne sais pas exactement. Disons à partir de 8 heures, hier au soir. »« Et vous ?» répondit un homme depuis l'intérieur du poste. Une femme grande, la quarantaine, elle était accompagnée d'un homme plus âgé qu'elle. « Et pourquoi ne les avez-vous pas laissés passer ?» Bah, c'était fermé, coquin de sort. Et puis ils n'ont pas insisté. L'homme a dit qu'ils allaient retourner à la maison, et puis ils sont partis. Anissa comprit donc que Jeanne devait être chez Béranger. Il aurait aimé aller vérifier. Vous me laisseriez sortir ? Demanda Anissa. Sortir, oui, mais elle ne compte pas rentrer, citoyen. Pas avant l'ouverture, à 6 heures. Anissa réfléchit que s'il allait chez Béranger constater la présence de Jeanne, il ne pourrait aussitôt prévenir Angèle et Manon. Il se dit qu'il valait mieux les rassurer en disant qu'il y avait de fortes chances que Jeanne fût chez Béranger. Il reviendrait pour l'ouverture des portes. D'ailleurs, peut-être croiserait-il Jeanne. Angèle reprit quelques couleurs en entendant les paroles pleines d'espoir d'Anissa. Lui aussi pensa profiter du moment pour tenter de faire revenir Angèle sur sa décision de les quitter. « Si je comprends bien, tu ne peux pas te passer de Jeanne, » lui dit-il, « pas plus qu'elle ne peut se passer de toi. C'est vrai qu'il m'est venu une très grande affection pour elle. » reconnut Angèle. « Alors pourquoi veux-tu la quitter? Tu sais, elle en est complètement malade. Elle parlait hier de se tuer si tu partais. Je la connais. Elle est suffisamment testarde pour le faire. »« C'est vrai ?» s'écria Angèle, tout affolée. « Mais elle ne m'a parlé de rien. Je lui ai dit que je voulais revenir à la vie religieuse et que cela me manquait. Mais je ne lui ai pas annoncé que j'allais la quitter. »« Oui, mais la vie religieuse n'est pas chez Jeanne que tu peux la trouver. Alors c'est comme si tu lui avais dit que tu partais. » « Moi, j'aurais compris comme elle, » dit Manon. Angèle ne répondit pas et réfléchit. Dans son cerveau, telle une petite lumière lointaine, une solution était en train de naître. Elle décida de ne pas en parler pour l'instant. « Je vais me retourner, lui préparer quelque chose à manger et un bouillon chaud. Elle n'a peut-être pas bien dormi. » En attendant l'heure de l'ouverture des portes, Anissa alla s'étendre sur un rat d'acier et ne tarda pas à sommeiller. Vers les 7 heures, toujours sans nouvelles, il repartit vers la porte des Cordeliers. N'ayant croisé personne, il franchit la garde et se rendit chez Béranger. Une porte cochère donnait dans la ruelle. avec un petit portillon piéton resté ouvert. Anicet le poussa et pénétra dans la cour puis dans la maison. Il appela, sans obtenir de réponse. Sur la table de la salle principale, il aperçut des restes de repas. L'âtre était encore rougeoyant, mais il ne vit personne. Poussant sa visite, il emprunta l'escalier de bois et monta à la chambre. Et là, il découvrit Jeanne, qui, bras et jambes écartés, tout habillée, dormait à poing fermé en émettant un léger ronflement. « Que faire ? » se demanda-t-il. « La réveiller ou la laisser dormir encore un peu ? Et où était Béranger ? Il devait dormir dans un autre endroit. » Aussi Anicet redescendit et remarqua, du haut de l'escalier en vue plongeante, plusieurs bouteilles qui jonchaient le sol derrière la table. Mais toujours pas de Béranger. Dans la cour, il jeta un regard circulaire, sans résultat. Anicet était dubitatif. Béranger n'avait pas été assassiné puisque Jeanne avait été vue à la porte d'enceinte avec un homme dont la description correspondait à celle du Charron. À moins qu'il ne fût parti, peut-être pour rejoindre sa femme à Arles, en laissant Jeanne dans la maison. Ils avaient dû faire ripaille ensemble, Jeanne avait beaucoup bu et Béranger l'avait quitté à son réveil. Oui, ça devait être ce qui s'était passé. Anicet alla vérifier si Pâquerette, la mule de Béranger, était dans la petite écurie. Une fois la porte poussée, son cœur battit la chamade. Béranger se balançait doucement, pendu à une solive du toit, la langue dehors et le visage violet. Anicet ne caressa même pas l'espoir qu'il fût encore en vie. Monté sur une escabelle, il coupa la corde et, ne pouvant le retenir, laissa choir le corps du Charron sur le sol. Il contempla le cadavre qui, étendu, paraissait encore plus grand. Étouffant le chagrin qui l'étreignait, Anicet dit tout haut. « Là, Boudiou, il me faut des explications. » Et il s'en retourna auprès de Jeanne, qu'il réveilla sans ménagement. Pas besoin d'être grand clair pour comprendre qu'elle avait bu, retombant dans son funeste penchant. Elle s'assit péniblement au bord du lit. Visiblement, elle n'avait pas les idées claires. Anicet revint avec un seau d'eau et lui mouilla le visage et les mains, remettant de l'ordre dans ses cheveux. Peu à peu, l'œil de Jeanne reprit un peu d'éclat et elle balbutia. « Tu as vu Béranger ?»« Oui, que je l'ai vu. » « Et il refroidit, Jeanne. Tu peux m'expliquer ce qui s'est passé ?»« Oh, parle-moi. Tu as bu, hein ? Et pourquoi tu as bu ? Ça faisait longtemps que tu ne l'avais plus fait. » Tout en criant dans le visage de Jeanne, Anicet la secouait comme un prunier. La forte émotion qu'il avait éprouvée à la vue de Béranger lui sortait maintenant, mélange de chagrin et de colère. Jeanne se laissait faire comme une poupée de son, sans réaction. Soudain, Anicet prit conscience de ce qu'il était en train de faire. S'acharner sur une pauvre femme dont la douleur et le désarroi devaient déjà être bien suffisants. Il en éprouva une immense peine et prit Jeanne dans ses bras pour se faire pardonner et lui témoigner l'affection dont elle devait avoir besoin. « Jeanne, ma Jeanne, pardonne-moi, je ne veux pas te faire du mal. Je comprends pourquoi tu as bu, parce que tu avais de la peine et que tu ne savais plus comment t'en sortir. » Jeanne approuva de la tête et embrassa la joue d'Anicet, qui s'assit à côté d'elle au bord du lit. Il l'attira vers lui dans un geste d'affection. « Allez, ma grande, maintenant, raconte-moi. » Jeanne avait trouvé Béranger en train d'enterrer un homme qui avait tenté de l'assassiner le matin. En voulant sauver sa peau, le Charron l'avait tué d'un coup de pique. Comme Béranger avait déjà étranglé son frère, le soir de l'arrestation de Pascalis, ce second meurtre lui avait mis la tête complètement à l'envers. Il ne cessait de pleurer et de se repentir. Ils étaient même allés à l'église tous les deux. Elle avait prié pour qu'Angèle restât, tandis que Béranger demandait à Dieu son pardon. Puis, les gardes de la porte ne la laissant pas entrer, ils étaient revenus tous deux chez Béranger. Ils avaient mangé, ils avaient bu, encore bu, Jeanne ne savait plus combien, mais elle avait oublié son chagrin. Quant à Béranger, l'alcool avait dû le fortifier dans sa résolution d'en finir. Il disparut un moment et Jeanne, ne le voyant pas revenir, le trouva finalement pendu. Elle était déjà bien grise et ne put faire quoi que ce fût. Aussi, elle revint de la maison et se remit à finir une bouteille. Enfin, à quatre pattes, elle trouva la force de se jeter sur le lit et d'y sombrer dans un sommeil comateux. « Tu sais que nous nous sommes tous inquiétés pour toi. Angèle est venue nous réveiller en pleine nuit. Elle en était malade, la pauvre. « C'est vrai ?» demanda Jeanne avec un pâle sourire. « J'ai dû lui faire de la peine. J'ai essayé de venir vers 4 heures du matin. On ne m'a pas laissé passer. Mais j'ai rassuré Angèle car je me doutais que tu avais dû rester ici. » Jeanne se leva, mais se rassit aussitôt. « Oh, ma tête, mon Dieu !»« Oui, tu as la gueule de bois, ma grande. Reste à te reposer. Je vais essayer de trouver du café. Et puis, quand tu iras mieux, tu rentreras pendant que j'irai déclarer le suicide de Béranger. Le pauvre, finir de cette façon pour avoir tué un assassin. Ça m'étonne de lui, tu vois. Il n'y avait pas que ça, poursuivit Jeanne. Le brigand qui a voulu l'assassiner lui a appris que sa femme avait un amant depuis longtemps. Amant qui est allé la rejoindre à Arles. Alors, tout additionné, sa cervelle s'est mise à l'envers. Annie hocha la tête. C'est vrai qu'elle avait presque 20 ans de moins que lui. Peut-être, mais elle n'était pas très jolie, alors je me demande quel est le fou qui en a voulu, repartit Jeanne, redevenant un peu lucide. Elle reprit le chemin de sa maison vers 8 heures, avec Anissé qui la quitta pour rentrer dans la mairie. Jeanne marchait telle un automate, chaque pas lui résonnant dans la tête comme un coup de marteau. Quand elle arriva dans la rue du Griffon, Hyacinthe devait la guetter car il alla au-devant d'elle avant qu'elle ne passât devant son échoppe. Il lui prit le bras et la soutint sans lui poser de questions. Lorsqu'elle passa devant le tapissier, Manon devait aussi être à sa fenêtre puisqu'elle surgit aussitôt de son atelier. Enfin, Angèle courut au-devant de Jeanne et l'enlaça à l'étouffer en la couvrant de baisers. Jeanne se laissait faire, à bout de force. Entrée chez elle, aidée par Angèle, elle s'effondra sur une chaise devant la table. « Tiens, lui dit Angèle, tu vas boire un bouillon chaud, ça va te remonter. »« Non, ma chérie, répondit Jeanne en repoussant le bol. « Je préférais du café, un grand café. Si tu pouvais me mettre un gant d'eau froide sur le front, s'il te plaît. » Manon et Hyacinthe se retirèrent pour laisser les deux femmes à leur intimité. Jeanne, les coudes sur la table, la tête dans les mains, se recueillit puis elle raconta péniblement sa nuit avec Béranger. Angèle fut horrifiée de son récit. « Mon Dieu ! S'écria-t-elle. « Mais pourquoi a-t-il fait ça ? » ?»« Il était très malheureux. Il a eu beaucoup de courage. Il en faut du courage. » « Moi, je crois que je l'aurais aussi, » poursuivit Jeanne, comme pour elle-même. Angèle ne comprit pas ce à quoi Jeanne faisait allusion. Elle continua. « Tout de même, allait se pendre. »« Et alors ?» reprit Jeanne, d'un ton soudain de colère. « Ce n'est pas plus bête que d'aller se jeter du balcon du beffroi. » Béranger n'a pas eu de chance. « S'il ne m'avait pas fait boire, je l'aurais empêché, comme j'en ai empêché d'autres, » dit-elle en regardant Angèle d'un œil torve. « C'est vrai, Jeanne, tu as raison. Je suis une vieille bête. » La peur que tu ne reviennes pas m'a égarée. Et moi, poursuivit Jeanne, toujours sur un ton de rancune, tu ne crois pas qu'elle m'égare aussi, la peur que tu t'en ailles? Un lourd silence s'installa entre les deux femmes. Angèle glissa timidement sa main vers celle de Jeanne. Mais je n'ai jamais dit que je voulais te quitter, ma Jeanne. Si je trouvais où aller, est-ce que tu viendrais avec moi? Jeanne ferma les yeux comme pour mieux réfléchir. Elle serra la main d'Angèle, puis elle murmura. « Je crois que je m'y résoudrai. Ce sera toujours mieux comme ça. »